L'animal venu de province a toujours tout approuvé. Amical mais ne jamais pince où l'on aime se faire enfler. Il rêve de tout cartonner. Ta cam, le rap papier mâché, recyclé. La vie que mène n'est pas stylisée. Le style et la gloire, je m'en tape comme d'hier. Entrez vos animaux de foire, car de notre art on reste fier. De notre rap on reste maître. Tu rêves d'or et de belle caisse, va donc paître. Ça pue, la mort et ses belles fesses. Dans leurs clips sont censés calmer ton sens critique. En guise d'éclipse, espérant te mettre la trique. Mais les lions sauvages boycottent tout inimique. Ils ont l'amour du risque, ils courent pas après le fric. Et quand ça tend au cas m'apporte, c'est soit les potes, soit les schmitts. Pas de nouvelles fantastiques, je suis un lion cultivé. Mes bas sont des clics, type notre richesse est intérieure. J'avoue qu'on ne compte pas sur leur smic. Loin des branchés de la capitale, si on reste authentique. Chaque jour on taffe la métrique. On pousse la rythmique à la précision arithmétique. Pour aboucher nos faces choc, on pense qu'à squatter tes enceintes. Rien à prendre et d'être shit. Parmi mes animaux, H24 dans l'asile. Ça rap dur, ça rap sec, ça kill. On retrace nos vies rudes, loin de leur envie de gloire. Laisse-moi loin de leur bling, c'est con qui s'égare. Gare aux fauves, y'a des loups dans la bergerie. Authentique comme le frère Amadou Bari. C'est les ventreurs, voix inimitable comme Abia Souli. Un lieu dans la savane reste fort, demeure insoumis. Ils veulent tous brasser, mais le public est lassé. Mélangère, BCC, des gains space à racisé. Veulent le monopole du côté de la capitale. Mais savent-ils que pour moi, le rap c'est vital. C'est dans les tripes, dans le cœur, dans nos gènes. Et si ça gêne, on remettra ça again. Cause-moi de rap, cousin, je te dirai qui c'est qui mène. Un 4-3 c'est homicide pour les miens. Juste Lonzo, le plus petit de la bande. Votre vie au fond du zoo avec un mal de ventre. Celui qui boude seul dans un coin de savane. La crinière couleur rouillée dans un brin de salive. Ma cambrousse s'embrase quand les mioches s'embrassent. Les parois de la pièce où mes lions s'entassent. J'tourne en cage et mes démons surgissent. Quand les fauves de la capitale aux alentours rugissent. Le fond et la forme sont la faune et la flore. J'attaque en terrain vierge à coups de métaphore. Du fin fond de la cavité, les provinciaux s'unissent. Car sur la carte de France, le nom de nos steppes s'efface. J'entends tes félins qui à lutesse s'enflamment. Mais y'a beaucoup de félons dans l'arène du flot. On sort les griffes à l'air pour sortir de la fosse. Nous sommes ceux d'en face et on arrive en force. Surveille Dago, souvent les potes jouent les cabots. Fais gaffe à ta peau, c'est déchargé comme un cargo. Je veux marquer mon temps et plus cacher ma vie. La balle est dans mon camp, alors je m'en sers pour casser la vitre. C'est triste, les flics t'allument avec des coups de feu, des coups de feu. J'ai pris des coups et pas qu'un coup de vieux. J'ai les dents, y'a plus de taf car on est trop. J'suis pas fier de ce temps où j'rayais des carreaux de métro. Moi j'ai pris la musique pour lâcher mon gros calibre. Moi j'mets pas le nez à l'usine ou dans la cocaïne. J'te le dis, les faux pistons j'les connais par cœur. Les flow bidons, les faux rappeurs, moi j'en ai pas peur. C'est la folie, souvent au bar ou chez la police. Et tu vas dire, j'suis mal poli comme ce père alcoolique. J'suis pas une tête d'affiche, j'rêve pas d'être artiste. C'est juste ma vie qu'on prend ma crevardise. Artiste affrant de tous les jours, se les brand, n'ont pas le moindre talent, portent tous des talons pour pouvoir jouer les grands. Y'a rien d'étonnant, on a tous vu ces connards racoler pour l'auditoire. Normal, y'a des Yanclars, je reste à l'écart. Marche avec des gens clairs, sans souci de projecteur. J'connais ma trajectoire, j'ai pas besoin du fun de ton producteur. J'suis pas de ceux qu'on recense, par la suite qu'on repense. C'est pas de la dirty sous, si on ne fait pas du son pour te piquer tes sous. J'me dois de conserver l'intégrité de ma morale, les conformité, pas mon genre de m'y plier. J'suis pas ta chaise de plage, j'ai pas besoin de renifler ton zouk pour grimper. Moi j'me fie qu'à mes gars et mes capacités. J'ai besoin que de mon orgueil pour me catapulter hors de vos sentiers. C'est comme un vol de sauterelles. Ça regarde pas l'évolution. Ça vient manger le terrain. Au crayon c'est Lulu Hamster. Coup de pelle, goût de spell. Quoi? La 4 lettres en point de mire. Okay. Chez nous ça tourne comme à la folie. La chatte, le shit, les bulles, le néon. Ça veut juste un bout de magique. Pas des ailes comme Gabi. À la mort tout le monde s'aligne. Non. C'est mystérieux comme on mélange l'univoire, soleil d'or. Vas-y fais pas ta peau d'âne. J'ai l'œil sur le zodiaque. À chaque carte, il donne la mort. Les pleurs se mentent, les rires se masquent. Ça sent le zèbre. Moi, je fais pas du lourd. Y'a des marques qui plaît la rue. Moi, je fais du solide. Ok, plutôt. Village isolé jusqu'aux rues de Paris. Les mêmes bêtes, le trophée de leur safari. Rien n'arrête les pucions des plus grands braconniers. Tout est permis pour nous passer le collier. De nos sièges c'est le règne tant qu'on sera leur cible. Caractère indomptable et non comestible. Nourrissez vos rêves de nos viandes avariées. On attend dévorer qu'on allait croquarier. fois le chasseur nous a pas de sang-froid. Crois la bête sauvage, tu dois échapper du cirque. Beaucoup plus d'or dans la couleur de nos crânes que dans l'hypocrisie qui sort de leur écrin. Avis aux détracteurs qui à l'inverse se mettent au vert. Mets un genou à terre, on te dévore le cœur. Les restants sont offerts avec nos paroles d'honneur. Et un bras pour toi guignol. C'est pour les bêtes sauvages et les pattes folles. On vient libérer vos villes et crier au vol. La mousse se répand sur l'atoll. Les ronces dansent autour des puits de pétrole. La brousse s'acclimate, avale les pots d'échappement. D'une seule lave, elle recrache un bouillonnement. Elle observe les yachts avec l'âme du pirate. Elle dépouille vos nez rouges et vos grandes savates. Elle coupe et décale au rythme de vos oraisons. Elle tape des barres sur les fenêtres de vos maisons. Les cœurs où je pense, c'est le combat dans l'œil des francs-maçons. Personne ne nous suborne, on fait le taf avec passion.